Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Nous sommes en direct du Millennium de l'île d'Abo et l'émission de ce soir est consacrée à un duo mordant. Oui Cédric, tu peux le dire, mordant. Deux crotales blanchies par la neige de Savoie qui proposent une musique mordante, comme tu viens de le dire, faite de vieux standards que Clément Ménard à la guitare et au chant et Frédéric Pépin à la batterie et au chœur vont puiser aux sources du blues pour le régurgiter plein de venin. Mesdames et messieurs, voici The What Rattlesnake. Bonsoir à tous! Nombreux, vous me faites peur. Non, il n'y en est pas comme ça. J'enlève mes lunettes. Ça, je vous vois moins. Concert acoustique après peut-être, je sais pas. The White Rattlesnake sont ce soir nos invités dans le Blues Café Live. On est ici au Millennium de l'île d'Abo et on va leur demander de se frayer un chemin jusqu'à nous. Ça ne va pas être évident parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. On vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Enfin, libre ce soir, elle n'a pas été pour certaines personnes. Et vous pouvez nous retrouver sur le www.bluesactu.com. Nous avons avec nous Clément et Frédéric. Bonsoir. Oui, d'ailleurs, c'est comme une rencontre un peu improbable, car je me suis laissé dire que si toi, Clément, tu as des influences Delta Blues, toi, Frédéric, on n'est plus dans le blues, hein, c'est du rock métal, hein, je crois. Non, pas du rock, juste non, du métal. D'accord, c'est du métal qui n'est pas en fusion, donc si, justement, je crois que c'est du métal un peu fusion, non ? Du métal progressif, oui. Ah, d'accord, il va falloir qu'il nous explique ça. Hein. D'où vient donc, justement, cette envie, finalement, de remodeler avec vos influences du blues traditionnel au rock blues ravageur? Alors, blues trad, je vais lui laisser répondre. Ouais. Alors oui, en fait, moi j'adore le blues, c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis que je suis tout petit. Il essaye de rattraper le coup, lui, à côté, tu sais. Voilà, c'est mon rôle, en fait, dans le groupe. Donc, achetez quand même notre disque. C'est ça. On est amis. Non, de toute façon, on n'en a pas à vendre tout de suite, je vous rassure. On vient en paix. Non, non, effectivement, le blues, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis très, très jeune. Frédéric, pas du tout. Par contre, Frédéric, c'est quelqu'un avec qui je parle depuis des années et des années et des années. C'est un très, très bon ami et j'avais plus que tout l'envie de jouer avec lui, en fait. Il nous a dit l'inverse, mais bon. Non, mais ça, c'est dans le cercle privé, quand on est devant les gens. Cherche la merde. Donc ouais, du coup, c'était vraiment cette envie de jouer qui a primé, enfin cette envie de jouer ensemble qui a primé avant tout, et ça a créé cette fusion entre blues et métal, on peut dire. On va parler de vos premiers morceaux, justement, parce que vous avez sorti un premier CD, un EP, hein, ce qu'on appelle, c'est un 4 titres. Vous préparez votre premier véritable album qui sortira le 2 mars 2017, je crois, puisque je t'ai posé le 3. Je lui ai posé la question 5 fois et je me souviens toujours pas de la date. Premier EP, plutôt des reprises, avec un spectre assez large, on l'a entendu, là on a entendu une reprise de Muddy Waters, vous faites aussi du Son House, Screaming Joe Kings, avec ça. Toujours une volonté quand même vraiment, vraiment de vous les approprier, de les, j'avais envie de dire, de les massacrer, mais... Bah comme je les connais pas, c'est plus facile, sûr. Vous en faites vraiment quelque chose de différent, on l'a entendu là avec Manish Boy, si vous aviez pas dit au début que c'était une reprise de Muddy Waters, je crois qu'on l'aurait même pas deviné. Voilà, mais c'est vrai que l'idée de la chose, comme moi je conçois cette musique-là, c'est une musique qui est très vivante, une musique qui vit depuis des années et des années. Donc l'idée, c'est aussi de s'approprier les choses, de pouvoir les jouer comme on les ressent nous. Et nous, on est jeunes, on a écouté des choses, que ça soit du métal de tapette, du hip-hop aussi. Moi, j'adore ce genre de choses-là. Il y a besoin de mettre ça dedans aussi pour nous. C'est des choses qui nous appartiennent, qui font partie de notre culture musicale. Donc on peut pas restituer les choses telles qu'elles étaient à l'époque parce qu'on n'a pas connu ça. Donc ça a besoin d'être réarrangé vraiment pour nous. Et vos idoles aujourd'hui, c'est des groupes comme les White Stripes par exemple, Jack White, alors pour Black moi, Keys oui. Non. Pour moi oui, beaucoup les Black Keys, c'est une très très grande influence. Après des plus petits groupes aussi, des groupes comme Dirty Deep, Vehicle Miracle qui sont passés aussi, enfin voilà, toutes ces choses là modernes, ouais, du blues moderne comme on pourrait dire. Alors là vous êtes en duo, mais je me suis laissé dire, parce qu'on a des dossiers sur vous, imaginez bien qu'il y avait un troisième larron à un moment donné, Cédric Largesse je crois de nom, qui était un ingé son. Exactement. Vous l'avez viré? Alors non, on l'a pas viré, mais on est en pleine tournée, il était un petit peu fatigué. Donc vous cherchez votre son depuis? Alors on cherche notre son, on l'entend quand même bien sur le plateau. Je sais pas si en façade ça s'entend bien, mais nous on l'entend bien sur le plateau. Alors il y a quand même de ta part pas mal de belles rencontres, hein, parce que je crois que tu as croisé la route de gens comme Cisco Herzhaft, oui, oui. Marc-André Légère, qu'on connaît aussi, québécois. Exactement, québécois-suisse maintenant. Suisse aussi, absolument. Et ils s'en sont bien sortis de cette rencontre? Eh ben écoute, ouais, on est encore en contact, on s'échange de nouvelles très régulièrement et c'est justement des très très belles rencontres humaines et musicales quoi, mais aussi vraiment humaines. Alors vous décidez de sévir en 2013, c'est une formation assez récente. En 2015, il y a un CD nommé Blues Metal Jacket. Alors on a compris, il y a le côté blues, il y a le côté métal. Alors le côté jacket, vous c'est allez nous dire de tapette, qui c'est, mais Et là, on vous propose une résidence au Scarabée. C'est une très belle salle de Chambéry. Oui. C'est un peu là où les choses se sont structurées pour vous, cette résidence? Voilà, on a beaucoup travaillé le son dans cette résidence et on en a fait une deuxième au Brise-Glace après. Et ouais, au niveau du son, ça nous a aidé. Surtout sur la deuxième, ils ont mis un truc en place pour vraiment nous donner un coup de pouce au niveau des compos et du son. Et ça nous a vraiment aidé, quoi. Nous, on va faire une petite pause musicale avec un groupe, je pense que vous allez bien aimer, qui s'appelle Hard Swimming Fish. Le titre s'appelle True Believer et c'est également le nom de leur album. We'll be right back. êtes bien dans le Blues Café Live et ce soir, The White Rattlesnake est notre invité. Ils sont sur la scène du Blues Café. T'es prêt, Frédéric ? Non. Voici une chanson qui s'appelle Let's Brunch. With your tail just stand on the fence. I got to draw them. Your statistics. No, I just need to find a film and look on the racks. The White Rattlesnake sont nos invités ce soir dans le Blues Café Live. Si tu sautes, ils peuvent pas se pousser. Thank you. jumping when I'm thirsty. Bring me a river when I wanna get high. Le blues énergique des White Rattlesnake. Ça y est, après presque une semaine d'entraînement, on arrive à prononcer le nom de ce groupe. On va vous proposer de revenir ici avec nous. On va continuer de vous cuisiner. Il y a quelques pays où ils cuisinent des serpents. Et ben nous, c'est ce qu'on va faire. Venez dans la fosse aux lions ou aux ours, ça dépend. Tout à l'heure, je disais que vous aviez croisé la route de quelques artistes que nous connaissons bien, que vous ne connaissiez peut-être pas. Que vous alliez surtout, Cédric disait tout à l'heure, que vous alliez sortir un nouvel album, donc le 3 mars. C'est bien cela. Tu as bien retenu la leçon. 2022, donc c'est le premier véritable album. Exactement, ouais, là c'est vraiment le premier. Et dans cet album, alors on va parler certainement de titres, de compositions, j'imagine. Il y en a quelques-unes. Mais il y a aussi des invités. Il y a aussi des invités. Et dans ces invités, il y a des gens qui sont déjà venus ici. J'imagine qu'on parle de Marco Balland, par exemple, à l'harmonica. Par exemple. Qui nous a fait le plaisir de venir effectivement enregistrer deux morceaux sur l'album. Et puis on a aussi invité un Orgamon. Alors ça c'est un groupe. Il est venu tout seul avec ses quatre pattes. Il est venu tout seul avec ses quatre pattes, mais on est quand même allé chercher en camion parce que c'est un peu lourd à trimballer avec une cabine Leslie. Et donc c'est l'organiste d'un petit duo qui est à côté de chez nous qui s'appelle Ice Shaker, des amis à nous. Et il nous a fait le plaisir de venir aussi sur l'album et ça vaut aussi le coup d'oreille. Bon, lui il vient pas de loin, mais revenons à Marco Balland un instant. Donc comment ça s'est passé? Alors, c'est un type qui joue déjà avec pas mal de gens, notamment avec Nasser Dadou, mais avec d'autres aussi. Voilà, et justement, pour la petite histoire, en fait, le tout premier concert qu'on a fait avec Frédéric, c'était à côté de chez nous, au Brin de Zinc, à Barbera, et en fait, on ouvrait justement pour Atman Session. Et c'était une des toutes premières dates où c'était Marco qui arrivait à l'harmonica avec Nasser. Donc, on s'est rencontrés là, on a buffé en fin de soirée tous ensemble, on a gardé contact depuis. Et ça, c'était il y a 4 ans maintenant, et il a fallu attendre 4 ans avant qu'on se retrouve, qu'on se recroise et qu'on ait la chance de rejouer ensemble. On va parler un petit peu de vos compos, justement, parce que vous en avez joué une, Let's Brunch. Voilà. Juste avant, comment est-ce que vous travaillez tous les deux? Comment est-ce que vous composez? Comment ça se passe le travail tous les deux? Alors, on a la chance d'habiter ensemble. Du coup, ça aide. Ça ne nous regarde plus. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Mais sa chérie est là, faites attention. Donc, on a la chance d'habiter ensemble. Du coup, ça aide beaucoup pour travailler, en fait, tout simplement, parce que dès qu'on a une petite idée, on peut en parler tout de suite ensemble. Et vous avez des bonnes relations avec les voisins ou c'est compliqué? Alors, ça dépend lesquels. Non, ça se passe vraiment très bien. Parce que la double pédale de grosse caisse, je crois que c'est pas très bon pour les voisins. Alors, on a quand même une salle de répète pour quand il y a besoin de faire un peu de batterie. Mais voilà, dès qu'il y a une petite idée en tête, moi, je peux lui montrer tout de suite ce que j'ai, l'idée que j'ai, et voir tout de suite si lui, ça lui parle ou pas, s'il trouve quelque chose qui l'intéresse à jouer par-dessus. Il m'amène un truc blues, il faut que ça chante direct avec la double pédale, sinon, c'est pas la peine. Non, mais ouais, c'est surtout lui qui compose. Hein. Moi, j'arrive derrière, je tape comme un bœuf, et puis. Oui, mais dans votre couple. Pardon. Ah, voilà. finalement, c'est le blues qui l'a emporté. T'as pas réussi, toi, à glisser quelques morceaux un peu plus de métal progressif, toi, j'ai bien noté. Oui, parce qu'on en a pas mis là, parce qu'on joue devant un public blues, hein. Peut-être que c'est lui aussi qui paye la coloc, non? Non, mais je voulais pas que ce soit que métal, hein. C'était pas le but, hein. Enfin, je voulais que les gens sentent que j'aime ça, toi, mais pas que... Alors, ceci dit, tu as dû jouer certainement avec d'autres groupes, d'autres formations. Mais jamais du métal. Bon. C'est compliqué, hein. Oui, c'est compliqué. Donc, tu aimes le métal progressif. Ah, mais tu n'as joué avec aucun groupe de métal progressif. Exactement. Et tu joues avec un compagnon de coloc qui fait du blues. Exactement. D'accord. En fait, tu aimes la musique tout court, quoi. Et je me suis dit, en fait, assez tôt, si je fais du métal comme j'aime, c'est où on a un gros son avec des amplis à 20 000 euros ou on a l'air con. Et j'ai pas eu envie d'avoir l'air con. Donc je me suis dit, on va faire du blues. Bon. Vu qu'ils sont pas difficiles, on aura pas l'air con. Bah. Après, il y a des gens qui ont l'air con avec des gros amplis à 20 000 euros aussi. C'est ça peut être cumulatif, attention. Qu'est-ce qui t'inspire dans les paroles? On y retrouve quoi dans les paroles? Dans les paroles, on y retrouve, je pense, comme beaucoup d'autres groupes, moi, ce que je vis tous les jours, ça peut être des rencontres, ça peut parler d'une personne en particulier, comme de plein de gens, ça dépend vraiment. Ta colocation avec Frédéric, par exemple? Alors la colocation, je l'évoque pas dans les chansons, non. Parce que sinon il peut lire le texte et il comprend ce que je pense réellement. Colocation blues. Non, c'est vraiment très très large, hein, sur de toute façon, il va pas textes. Écouter votre album, il aime pas le blues. Ouais, il est obligé d'écouter les mixages et les masterings, mais sinon il s'arrête là. Alors l'album s'appelle Too Loud. Exactement. Donc on a compris que c'était une balade très sensuelle et très calme. Voilà, donc, c'est juste pour prévenir les gens. Un album qui va être autoproduit aussi, en quelque sorte. Non, je crois que vous êtes soutenu quand même par une structure. Exactement. Chambérienne. Chambéry-Parisot, je ne sais pas comment on dit, qui est entre Chambéry et Paris. Qui s'appelle Tartine. Exactement, voilà. Tartine Prod. Tartine Production, même en entier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, du coup, on a eu l'aide de Leïla Chaïbedra, Benoît Billet, entre autres, Marie-Hélène aussi. Enfin, j'en profite pour dire leur nom pour les remercier au passage. Benoît qui aurait dû être parmi nous aussi. Qui n'a malheureusement pas pu venir ce soir. Mais il n'aime pas le blues non plus. Non, il n'aime pas le blues, je sais, il nous l'a dit, oui. Et donc oui, un gros, gros soutien de leur part, et puis du coup, beaucoup de travail. En fait, cet album, pour nous, on va essayer de franchir un cap, tout simplement, parce que moi, je suis déjà musicien, j'ai d'autres projets pour... Tu as un statut d'intermittent. J'ai un statut d'intermittent, d'accord. Effectivement. Et donc, toi, Frédéric, non, bah non, rien. Moi, je travaille avec les enfants, et c'est très noble aussi. Et ça va, ils se portent bien? Je leur apprends à pas dire des gros mots, je leur apprends la musique douce, tout ça, quoi. Ouais, il y aura aussi des reprises sur le nouvel album Too Loud. Des reprises, ouais. Ouais, je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux. Mais je connais tellement pas les originales, je sais pas si c'est des reprises ou des compos. Je crois qu'on dit les originaux. Si tu travailles avec les enfants, c'est mieux. Les originales, ES, non? Non, j'ai l'air con, ça y est. Donc oui, il y aura bien deux reprises en plus, parce qu'effectivement, on a voulu mettre principalement de la composition, parce qu'on l'avait pas encore vraiment fait sur les enregistrements. Mais du coup, oui, mettre des reprises réarrangées comme on a pu les présenter là ce soir ici, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup parce qu'on a commencé comme ça tout simplement, donc on voulait garder ça aussi présent sur l'album. Ça sera, on peut savoir quelles reprises seront sur cet album? Alors il y aura une chanson de Pete Seeger qui s'appelle Which Side Are You On qu'on va jouer juste après. J'ai l'impression, effectivement. Voilà. Et puis il y aura une chanson qui s'appelle Born to Die avec laquelle peut-être nous quitterons. De Blind Willie McTell. Exactement. Voilà, c'est un titre positif. Born to die. Né pour mourir. C'est du blues, hein, c'est pas forcément joyeux tous les jours. Hein. C'était Patrick Hernandez ou ça. Eh. Born to be alive ou born to die. On s'est dit qu'il avait plus de classe. Quoi. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ce nom, White Rattlesnake? Oui, je sais, c'est une question idiote, tu m'as dit. Je pense que c'est juste pour embêter les animateurs radio, en fait. Voilà. C'est imprononçable. Ouais, voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le prononcer, hein, y compris mais, nous. Mais bravo d'ailleurs. Bravo, bravo. On s'est entraîné toute la semaine avec Francis. On s'est entraîné. Ah oui, beaucoup. On s'est appelé et tout, on s'est dit alors toi t'en es où? Il dit ben moi j'en suis à White Wattle, mais après j'y arrive pas. Donc on sait toujours pas pourquoi ce nom. À la base, notre première reprise elle s'appelait Black Snake, non? C'est ça? Black Snake ouais, Moon. Black Snake Moon. On l'a reprise et puis on a vu qu'on n'était pas noir, du coup on s'est dit White Snake Moon et puis après, je sais pas, White Rattlesnake Moon. Et après quoi? C'était clair, non? Bon, vous vous appelez les White Rattlesnake, vous sortez un album qui va s'appeler Too Loud, et vous avez déjà quand même pas mal tourné, puisque vous avez notamment joué dans le festival le Grazy Blues, qui se passe toujours fin juin, début juillet, grosso voilà, modo, oui. Donc entre le Grenoble et Chambéry, en extérieur. Vous avez fait d'autres grosses scènes, non, d'autres festivals, oui, à venir. Oui, on a partagé pas mal de belles scènes. On a, bah, comme le disait Frédéric, avec Lofofora, dans un style complètement différent. On a aussi fait Hey Moonshaker, du coup, l'année dernière. Oui, oui. Très bon groupe. Sur le Grazy Blues, on était avec Awek. Et puis, il y a encore des belles petites choses qui se préparent. Je ne peux pas le dire tout de suite, malheureusement, parce que ce n'est pas encore confirmé. Mais voilà, il y a encore des belles choses qui se préparent. Et du coup, on a reçu souvent des groupes un petit peu borderline, justement, comme vous, qui se situent un peu entre le rock et le blues. Quel est l'accueil du réseau blues? Quel est l'accueil du réseau rock? Enfin, vous êtes un peu, finalement, sur les deux. On mange à tous les râteliers. Alors, c'est voilà, ça. Exactement. On mange à tous les râteliers, on peut clairement le dire. Niveau des accueils, en fait, on se rend compte que les gens aiment la musique avant tout, qu'il n'y a pas vraiment d'appréhension. En tout cas, je ne sais pas, les gens pourront nous en parler après, ceux qui sont ici ce soir. C'est avant tout des amoureux de la musique, que ça soit dans le réseau blues, le blues a amené le rock'n'roll, que ça soit dans le rock'n'roll, les gens se souviennent que le blues est à la base de ces choses-là. Donc je trouve, moi, à chaque fois, que à part le petit premier sursaut où effectivement des fois on n'est pas au courant et on s'attend pas forcément à ce que ça tape aussi sec ou que ça soit aussi rock, en général l'accueil est vraiment très positif et ça nous fait plaisir parce qu'on se demandait aussi, nous, en commençant, qu'est-ce que ça donnerait, quoi. Eh bien, je pense que le public pourra l'écouter et faire son propre jugement lors de la sortie de cet album le 3 mars, ça y est. Too Loud, 10 titres, vous êtes radin, hein, quand même, 10 titres. Ah, du titre, c'est pas toi qui les as écrits. C'est moi qui les écoute. Non, mais il faut faire avec le budget qu'on a, malheureusement. On trouvera ce disque sur les concerts, j'imagine. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut, justement, non seulement vous écouter, vous voir, mais éventuellement acheter cet album lorsqu'il sortira? Alors oui, on va tout mettre à jour sur notre site internet à nous. Vous pourrez retrouver toutes les informations. Et notre site internet, c'est www.bluesjob.fr pour les oui, amateurs de jolies blagues. Tout à fait avec le nom du groupe, très simple à retenir. Voilà. Mais on s'est dit que c'était plus simple à retenir bluesjob que whiterattlesnake.fr. Et puis il y a un sacré jeu de mots pour ceux qui aiment ça. Merci à vous. On va vous retrouver tout à l'heure sur la scène du Blues Café. Mais juste avant, nous allons faire une petite pause musicale. Et quand on a préparé cette émission, on a reçu un album d'un groupe de Moulins dans l'Allier qui s'appelle The Marshals. Et on a pensé à vous et on s'est dit, tiens, on va leur faire découvrir. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs déjà. Le titre s'appelle I Gave My Wallet to the Poor. L'album s'appelle Les Courriers Sessions. C'est un peu étrange comme nom. C'est un groupe français qui n'en est pas à son premier coup d'essai puisque c'est leur 4e disque. Et dans les références, on croise des références que vous aimez bien, je crois, White Stripes, Black Keys, Johnny Cash, ils reprennent d'ailleurs Folsom Prison Blues et également John Fogerty. Ils ont du goût, ces gens de l'Allier, je sais pas comment on dit ça, les Alliégeois, je sais pas. On écoute The Marshals et juste après et non pas les aliénés, et juste après on retrouve The White Rattlesnake. Thank you. Le groupe s'appelle The Marshalls et on va essayer de les inviter dans le Blues Café Live. Ils sont pas loin, ce sont des voisins, tout comme les White Rattlesnake, qui nous viennent également du département voisin. Ils sont ce soir sur la scène du Blues Café Live. Merci beaucoup. J'en profite avant de vous jouer la dernière chanson pour vous dire qu'effectivement, on n'a pas de CD à vendre, on n'a rien de tout ça. Par contre, on a des petits stickers et des petits flyers où vous pouvez précommander notre album si vous voulez, donc qui sortira le 3 mars depuis tant de fois qu'on le dit, vous devez vous en souvenir maintenant. Donc n'hésitez pas à venir nous parler, on fait aussi ce genre de choses-là d'être sur scène pour parler avec vous après. Ça nous fera vraiment plaisir. Merci à vous pour votre super accueil, votre super chaleur. Vous êtes un public chaud et humide vu comme mes cordes se sont désaccordées et c'est très bon signe. Donc merci infiniment. Voici venue l'heure de la dernière chanson. Elle s'appelle White Rattlesnake Moon. Et vive le blues! Non, je déconne. Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Le Blues Café de ce soir était consacré au groupe The White Rattlesnake. Vous pouvez encore les applaudir bien bien fort. Leur album sort en février 2017, il s'appellera Too Loud. Nous voudrions aussi remercier toute l'équipe du Millennium, sans qui, évidemment, ces Blues Café ne pourraient pas avoir lieu. Gilles, Ludo, Seb. Ludo et Seb sont à la technique, bravo heureux. Gilles est à la logistique, à l'organisation. Nous voudrions aussi que vous applaudissiez nos partenaires et néanmoins amis. Le studio Magneto, c'est Rico qui mixe et qui monte notre émission ensuite. Et ceux qui sont là et qui filment, Vincent et Thibaut. T&Bo. Vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com, également notre page Facebook, le Blues Café Live. On se donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, sous les applaudissements du public, on va proposer au White Rattlesnake, tu vois, maintenant j'arrive à le dire, je le dis plein de fois, de rejouer un dernier titre. Merci à tous. Ciao, ciao. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. about that, baby. You've been running around. Your man will love you and you make me cry. You should remember that you're about to die. Simple type of game, done it much in this whole life. I read my Bible, try to live my life right. I don't need nobody. Tell me what I ought to do. If you're ready. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And you'll know how I feel. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Before you judge this game. Walk a mile in my shoes. If you walk in my shoes, you might understand. Nobody want to listen. Everybody a mile in my shoe. Walk a mile in my shoe. And you'll know how I feel. Walk a mile in my shoe. Walk a mile in my shoe. Walk a mile in my shoe. Before you judge this game. Walk a mile in my You gotta hold on, my friend. You gotta hold on, my friend. Just keep going on and never feel alone. You gotta hold on, my friend. You gotta hold on, my friend. You gotta hold on, my friend. Just keep going on, never feel alone. You gotta hold on, my friend. Dreams, my friend.